en a pour tout le monde. Ça danse en cadence, alors fais comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça, tout le monde. Ça danse en cadence, alors fais comme tout le monde. Balance-toi, c'est bon ça, on ça, on ça. Everybody, on everybody, let's be on the floor, everybody. Keep high, keep high. One, two, three, let's go. Y'en a pour tout le monde. Oh, messieurs les politicos, il y a mal donne.